السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل الكلام في دراسة كتاب نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah l'étude de l'épître Les Annulatives de l'Islam de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avions vu la semaine passée le deuxième annulatif de l'islam, qui est le fait de mettre des intermédiaires entre soi et Allah en les invoquant, en leur demandant l'intercession et en plaçant sa confiance en eux. Après cela, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit « الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. » Il nous dit le troisième annulatif, celui qui ne considère pas mécréants les polythéistes, ou doute de leur mécréance, ou a la conviction que leur voie est correcte, a certes mécru. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, mentionne ici le troisième annulatif de l'islam, à travers lequel la personne sort de la religion de l'islam vers la mécréance. Ceci s'il ne considère pas mécréant ce qu'Allah a qualifié de mécréant parmi les gens du livre, les polythéistes, les athées ou autres, ou s'ils doutent de leur mécréance, ou pire encore, s'ils valident et approuvent leur voie ou religion. Le grand savant, le cheikh Saleh Al-Fawzan, nous dit concernant ce point, « Cette question est importante et très dangereuse, dans laquelle beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam tombent, en disant par exemple, « Moi, par la grâce d'Allah, je ne commets pas le polythéisme, je ne suis pas polythéiste, mais moi, les gens, je ne les rends pas mécréants, ou je ne les taxe pas de mécréance. » Le cheikh, hafizahullah ta'ala, nous dit, « Nous disons à celui-là, tu n'as pas compris la religion. Il t'est obligatoire de croire en la mécréance de ceux qu'Allah a rendus mécréants. Il t'est obligatoire aussi de te désavouer d'eux, comme Ibrahim alayhi salam s'est désavoué de son père et de son peuple, lorsqu'il dit dans sourate Az-Zukhruf, versets 26 et 27, Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dans le sens rapproché des versets, je me désavoue totalement de ceux que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Fin de citation. Nous avions vu dans l'introduction que le fait de juger une personne mécréante est un droit qui revient à Allah Azza wa Jal et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le sens de cet annulatif est dans le fait que le fait de ne pas juger mécréant celui qu'Allah a jugé mécréant revient à démentir la parole d'Allah. Et certes, celui qui dément la parole d'Allah et de son prophète a certes mécru. Également, celui qui doute de la mécréance des gens du livre, qu'ils soient juifs ou chrétiens, qui doute de la mécréance des polythéistes, a certes douté de la véracité de la parole d'Allah. Et celui qui doute de la véracité de la parole d'Allah a certes mécru. Allahu Azza ve Celle a dit « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا » Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Sourate An-Nisa, verset 87. Les preuves concernant la mécréance des gens du livre et des polythéistes sont nombreuses dans le Coran et la Sunna. Nous pouvons citer à titre d'exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah » Dans le sens rapproché des versets, les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Sourate Al-Bayyinah, verset 6. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Il dit également, « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens rapproché des versets, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secours. » Il dit également à la suite de ce verset, « Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de Dieu qui mérite l'adoration, si ce n'est qu'un seul Dieu unique. Et s'ils ne cessent de le dire, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. » Sourate Al-Ma'ida, la table servie, versets 72 et 73. Parmi les preuves tirées de la Sunna, il y a le hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, rapporté par Muslim, rahimahullahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » Dans le sens du hadith, par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, nul n'entend parler de moi parmi cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans que sa place ne soit dans le feu. Le grand savant, le Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullahu ta'ala, nous dit « La mécréance des juifs et des chrétiens et autres est une chose qui est connue de la religion par tout le monde, du savant de l'islam au musulman lambda parmi le commun des gens. Personne de la religion n'ignore cela. » Ensuite, le Cheikh, hafizahullahu ta'ala, a rapporté la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, qui a dit « Les juifs et les chrétiens sont mécréants, une mécréance qui est connue nécessairement dans la religion. » De même, nous pouvons citer la parole de Al-Qadi Iyad, qui a rapporté le consensus sur la mécréance de celui qui ne rend pas mécréant ce qu'Allah a rendu mécréant. Il a dit, rahimahullahu ta'ala, dans son livre « Al-Shifa », « Il y a certes unanimité sur la mécréance de celui qui ne voit pas la mécréance des gens du livre, ainsi que tout ce qui apostasie ou sortent de la religion de l'islam. Il y a également l'unanimité sur la mécréance de celui qui dit ne pas se prononcer sur leur mécréance ou qui doutent de leur mécréance. » Fin de citation. Dans la parole de l'auteur, rahimahullahu ta'ala, ou celui qui a la conviction que leur voix est correcte ou authentique, a certes mécru. Ceci est plus pire, car en plus de démentir la parole d'Allah, il a rendu licite ce qu'Allah a interdit. Il y a également à travers cela un agrément de la mécréance, et ceci est de la mécréance. Il y a également un appel à détruire ou qui détruit les fondements de la religion, comme le fait d'appeler à l'unité des religions, que toutes ces religions en dehors de l'islam sont authentiques et sont également un moyen à travers lequel on adore Allah Azza wa Jal. De là, nous voyons la dangerosité des différents appels présents aujourd'hui de certains prêcheurs égarés aux portes du feu, qui appellent à l'unité des religions, qui appellent au rapprochement des religions. En disant cela, il y a certes dans ces paroles-là une validation dans le fait d'adorer Allah à travers une autre religion de l'islam. Alors qu'Allah Azza wa Jal a dit « Inna dina indallah al-islam » Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Surat Ali Imran, verset 19. Il dit également « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surat Ali Imran, verset 85. Nous voyons à travers ces versets que la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. L'islam dans son sens particulier, qui est l'islam avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu affirme cela et confirme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, nul n'entend parler de moi parmi cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans que sa place ne soit dans le feu. Au vu de ces textes, celui qui ne rend pas mécréant, ceux dont la mécréance est évidente parmi les gens du livre et les polythéistes, ou qui doutent de leur mécréance, ou qui approuvent leur voie, c'est certes opposé à Allah Azza wa Jal et à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a certes démenti la parole d'Allah et de son prophète, il a donc à travers cela annulé son islam. Pour finir, un point important, qui est que le jugement précis de juger mécréant celui qui ne juge pas mécréant les gens du livre et les polythéistes, ou qui doutent de leur mécréance ou qui valident leur voix, s'effectue après avoir exposé et éclairci les preuves. De même, il est impératif que les conditions soient réunies et que les empêchements au takfir soient levés. Fanaktafi bihad al-qadr. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine. Bi-idhnillahi ta'ala. Fanas'alullah azza wa jal an yaj'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته